Les travailleurs coréens remportent des succès dans la campagne de 200 jours pour ouvrir la brèche à l'accomplissement de la stratégie quinquennale pour le développement de l'économie nationale. Pour le cas du ministère de l'Industrie ouïghère, sont mis en réserve plus de 300 chantiers d'extraction et plus de 400 pompes sont installées ou réparées. Le complexe minier de Musan a doublé la production du minerai de fer en haute teneur par rapport à la même période de l'année passée. Les usines relevant du ministère de l'Industrie mécanique dépassent chaque jour le plan à 105% et la direction des chemins de fer de Pyongyang dépasse chaque jour le plan de transport 1,3 fois plus élevé que le passé. Le complexe de Vinalon vide février multiplie par 1,5 fois chaque jour le plan de production du Vinalon à la manière coréenne, tandis que le complexe d'engrais de Hungnam dépasse le plan journalier à plus de 110%. L'entreprise halieutique de Kimtse a multiplié la pêche par 1,5 fois par rapport à la même période de l'année dernière et les travailleurs, y compris les fonctionnaires du ministère de l'Industrie de la Pêche et d'autres entreprises sous son égide, ont construit 6 nouveaux bateaux de pêche. L'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang dépasse le plan chaque jour à 105%.